c'est l'esprit bon Dieu dans toute sa wap fin. C'est seul lui-même qui kaba ou direction pour faire sa wap faire bien. Que ouvre les yeux.